Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture, la nuit, une mémoire radiophonique. Comme pour s'excuser ou par une exquise politesse, Armand Robin le soulignait lui-même, « Je viens de la solitude ». Né en 1912 de parents agriculteurs, à Plouguernevelle exactement, ni le monde universitaire ni celui des lettres ne devaient lui faire de cadeaux. Il n'en demandait d'ailleurs aucun, qui viendrait de ce XXe siècle haïssable. Tous ses écrits le prouvent, articles, poèmes, traductions, comptes rendus d'écoute, correspondances. Il faudrait plus que ces quelques secondes pour rendre compte de ces textes critiques aussi, et il est temps de céder la parole. Les poètes de ce siècle, on les reconnaîtra, résumait-il, au fait qu'ils auront tout fait, en toutes circonstances, pour être le plus mal possible. Ça arrive à tout le monde de se sentir mal dans son époque, et Armand Robin en accusa réception de la façon la plus étonnante et bien sûr totalement oubliée. Enfin, pas tout à fait, puisqu'en 1985, par exemple, l'atelier de création radiophonique rassemblait les témoignages de Marc Berman, Georges Monti et Jean-François Young autour d'un portrait du poète anarchiste. Juste retour vers celui qui, sans doute mieux que personne, avait percé les secrets de la guerre des ondes. ACR, Atelier de création radiophonique. Robin, Armand. Coproduction, Radio France, FR3 Rhône-Alpes-Auvergne, Institut national de l'audiovisuel, ministère de la Culture. Le monde d'une voix, un Faust des ondes. Film de Jean-François Young. Je vais donner à entendre ici la bande-son de mon film de fiction dont justement l'écoute est le sujet central. Il s'agit d'une abstraction théâtrale imaginaire librement inspirée par l'œuvre d'Armand Robin, écrivain et traducteur de langue. Le montage des textes et des dialogues que l'on va entendre est sans exception composé d'après ses écrits. Armand Robin, né en Bretagne en 1912, mort à Paris, en 1961. Armand Robin qui prit comme gagne-pain la rédaction et la vente d'un bulletin d'écoute périodique des radios étrangères. Parmi les abonnés, grosses têtes politiques, journaux, ministères, partis, etc. J'ai imaginé ici le monde d'une voix, le monde de sa voix à lui, de son commentaire face au déferlement quotidien des ondes polyglottes qui le plongea jusqu'en plein cœur de l'ouragan hertzien de la guerre froide. Le monde de la voix de Yann, le héros, le jeune breton qui incarne le futur personnage adulte émigré à Paris, voûté sous l'écoute radiophonique. Mais le monde aussi de la voix de l'autre Robin, cette part de l'ange qui se transforme en démon de la connaissance, le pousse à cette boulimie de savoir, la voix du désir, la voix de Méphistophélès, ironie de Robin sur lui-même, sur le sort du pauvre Yann. Meneur de jeu, monsieur loyal de la fiction, c'est cette voix de Méphisto qui ouvrira le film au crépitement d'un vieux haut-parleur de radio, cette voix seule capable d'être à la fois dans le poste et hors le poste. Un Faust des ondes. Est-ce avant tout un cauchemar ? Une tragédie de l'écoute, onde verte venue à travers les vents sibériens, fantôme de la guerre froide qui s'agite derrière l'œil vert du poste, tel le spectre hypnotique de Staline dont la parole obsessionnelle soviétique martèle le nom chaque nuit. Ou est-ce plutôt un songe cosmique purifié, où les lampes en veilleuse diffusent à un Aladdin fatigué les images souvenirs de son appréhension des langues ? Ruine latine qui s'enfonce dans la mer, haut-parleur de la tour de Babel, désert de Chine et d'Arabie où s'ensablent les voix exotiques des postes. Et entre le rêve et le cauchemar, un songe permanent aussi, celui des parents paysans revenus d'entre les morts pour pleurer sur le sort de leur fils qui se damne tout seul, sous l'écoute permanente, très loin, à Paris. Le mal, mon enfant, le mal vient jusqu'à celui qui nomme les choses mauvaises. Le monde d'une voix, un Faust des ondes. Film de Jean-François Jung. Avec dans le rôle de Yann, devenu Faust, Marc Berman, Méphistophélès, Didier Conti, Marie-Émilie Joly, Christian Hélioux, Alain Beaugile, Marie Feugère. En deuxième partie, dialogue avec Jean-François Jung, Georges Monti, Marc Berman, par René Farabet. Le monde d'une voix, un Faust des ondes. Février finissait, mais cette année-là, dans toute la Bretagne, l'hiver s'entêtait à se coller au sol. À la terre entière s'était mêlée une mort fangeuse. Les hommes eux-mêmes étaient secrètement tentés de s'arrêter. Tous les matins pourtant, dans l'aube absente, ils quittaient leur demeure décolorée. Par milliers. Ils travaillaient à cette heure, agitant les mêmes jambes et les mêmes mains, coupant l'air également incolore avec les mêmes fourches et les mêmes haches. Flottants et ternes, ils se confondaient bientôt avec l'innombrable grisaille. Pitié ! Ils vont mourir dans cette solitude sans avenir. Il ne faut pas que leur âme meure. Yann, tu n'as que 18 ans. Ne t'apprêtes-tu déjà qu'à la servitude ? Travaille. Ma parole, tu te tracasses toute la tête depuis que tu lis tes bouquins idiots. Travaille donc. C'est avec ça qu'on vit. La neige, soudain. Que qui peut vivre, vive encore. Tant pis à cette heure. Il est temps que la mort paraisse. Elle vient. Elle est là, brusque, debout, dans ce cri que la neige accueille avec indifférence. Yann, vite! Ta mère vient de mourir. Silence autour du pauvre enfant qui passe, environné de siècles, là et courbé, sous les luttes, les misères et les défaites que sa mère lui transmet dans l'ombre. Est-il bien sûr qu'il vit encore ? Ce souffle frêle et haletant qui s'attarde derrière ses épaules. N'est-ce pas son existence défaite et aussitôt sucée par la nuit ? Il n'y a d'étoiles que pour les rois mages. Place ! Place à l'enfant que mène la morte ! Pourquoi se révolte-t-il ? Pourquoi faire sauter ? Une à une devant ses yeux les images de son passé. Cette nuit, que peuvent valoir ces parcelles de vie ? Ses souvenirs tournoient en flocons de neige, s'évanouissent et se mêlent au néant, tout près de la vraie morte. Place! Place à l'enfant qui s'engouffre dans la nuit terrible, éperdument, comme pour fuir sa propre mort. Les murs se sont rapprochés, emprisonnant plus jalousement le grand lit noirâtre. Un gémissement de chapelet s'égrène. Debout, des hommes sont là, dont l'ombre et le silence font leur proie. La morte l'attend, parfaite. Ses lèvres offertes au baiser de la nuit, désormais sans menace, et ses mains. Yann s'attache à ses mains d'esclave. Il ne parvient pas à saisir par quel mystère elles ont pu s'arrêter, se résigner à l'immobilité. Comment la mort a-t-elle su leur arracher leur servitude? Comment la mort a-t-elle su les dépouiller de leur souffrance? Le long de ses doigts écorchés, des prières montent encore vers le ciel où nul Dieu n'écoute. Main d'esclave, vous pouvez bien vous fixer dans une éternité paresseuse et pierreuse. Vous conservez vos écorchures et vos rides qui témoignent que vous êtes né pour servir. Et toujours, sur toute poitrine, vous aurez l'air d'implorer dans l'ombre quelqu'un visible tyran. L'angoisse en lui se met à tourner en rond. En vain secoue-t-il la tête pour mêler les images dans son cerveau. Deux jours après, une querelle remplit la demeure abandonnée par la morte. Et l'on entendit la voix du père Joanne. Tous les mêmes. Voilà qui m'embête encore plus qu'elle ne m'embêtait. Eh bien, fais ce que tu veux à la fin. Lis tes livres et va-t'en ensuite au diable. Et voici que toute la nuit frémit. Un chant jaillit sur la neige. Yann écoute surgir en lui l'hymne encore incertain de ses espoirs. Me voici, face à face avec toi. Lumière sans sommeil. Et vers toi je tourne mon visage candide. Ciel, père des neiges et des blancs destins. Moi non plus je ne veux pas du sommeil. Et je me refuse à prendre mon parti de la terre. J'ai 18 ans. J'ai lu beaucoup de livres. Les uns que j'achète en cachette. Ils me disent tous que la vie est si belle plus loin. Oh, vous qui venez de partout, répondez-moi sans ruse, puis-je partir là-bas, menant derrière moi mes pauvres camarades? Cette nuit, mon destin se décide. La neige descend des collines. Voici que brillent les rubans d'espoir. Ma peur n'existe plus. Et je vais vivre pour moi-même sous les astres, sans jamais trahir la jeunesse de cette nuit. Chers parrains et marraines, me voici transplanté dans un autre milieu dont vous ne voyez sur cette carte qu'un minuscule coin. C'est une vie bien différente de celle de lycéens de province. D'abord, une indépendance assez grande, puis des camarades très chics et très distingués venus des quatre coins de la France. J'en profite tout de suite pour commencer un certificat de licence. C'est un milieu très intellectuel, à peu près tel que celui que je désire depuis longtemps. Sentiments affectueux de votre filleul. Mon cher Laurent, j'ai reçu ta lettre et je suis honteux de rester si silencieux, mais mes journées sont combles jusqu'à la dernière minute. Je passe en juin 9 examens portant sur le chinois, l'arabe littéral et le finlandais. Cela me permet de foncer tête baissée à travers tous ces événements. Je me réjouis de te voir en juillet. bien cordialement. Ayant perdu son ombre, un homme par erreur vint à Paris, ville d'ombre sur ombre. Il venait de sa solitude. Pour être vous tous, je me suis séparé de vous tous. Je vous parle d'un buisson très éloigné. On ne peut travailler pour vous qu'en vous quittant. Tous. Et sans rien expliquer. Je regarde tendrement votre monde. Que j'ai quitté. Que j'ai quitté. J'ai besoin, chaque nuit, de devenir tous les hommes et tous les pays. Dès que l'ombre s'assemble, je m'absente de ma vie et ces écoutes de radio dont je me suis fait cadeau m'aident à conquérir des fatigues plus reposantes en vérité que tout sommeil. General Charles de Gaulle, head of the Provisional Government of the Republic, which was born of the resistance, is still confronted with the party system, and consequently the relentless quarrels that trouble the National Assembly. And the threat of General de Gaulle's resignation is felt more and more deeply. Only yesterday, a stormy dispute opposed Vincent Auriol to the communists and to the SFIO. General de Gaulle denounced the old Gallic propensity to oppose one another and quarrel, stimulated by the party system. Au quatrième top, il sera exactement 20h, 49 minutes, 30 secondes. Vous venez d'entendre l'horloge parlante de l'Observatoire de Paris, et qui vous a indiqué l'heure légale française, en avance d'une heure, nous vous le rappelons, sur l'heure GMT. Le secrétaire de l'organisation féminine Partido Socialista a déclaré que le a sorprendido el respeto de que gozan en la URSS las madres. Y la gran labor que se realiza para concederles la posibilidad de compaginar el trabajo con las obligaciones familiares. Me ha causado gran impresión el Teatro Infantil de Música en Moscú, único en el mundo. Es una magnífica muestra. C'est pourquoi, conformément aux principes du régime représentatif que nous avons voulu faire renaître, je me retourne maintenant vers la représentation nationale. Et je remets à sa disposition le mandat qu'elle m'a confié. Vous venez d'entendre le général de Gaulle. Une une bonne nouvelle. Le capitaine Gudin, l'aide de camp du général de Gaulle, m'a dit que je pouvais laisser complètement de côté les informations militaires. Le général de Gaulle les jugeant plus utiles. Cela me libère. Je donne à Gallimard des traductions de poèmes hongrois. Mais je vous garantis le Lao Tse et Chuang Tse. Seulement, il me faudra encore une année d'école de langues orientales avant d'aborder un tel travail. Mon cher Alain, etc. Bon, donc, une bonne nouvelle. Ici, service radio. Service radio téléphonique avec des navires en mer. Cette transmission est effectuée au niveau normal de parole pour permettre le réglage des récepteurs de bord. Yann engage sa bataille d'aube. Sans pitié, corps, aux machines neuves. Pousser à bout les possibilités du cerveau. À sans travaux le soumettre. Machine de beauté. Yann déploie ses vivres. Les marges souriantes s'élancent. Viens à nous, Ulysse. Arrête ton vaisseau. Viens écouter nos voix. C'est Phargion, Odysseus, Niakatastison, Inanoiterin, Opacusis. Et leurs voix admirables me remplissaient le cœur du désir d'écouter. Osphazan, Ise, Opacalimon, Aftar, Emon, Kir. Donc, le premier conseil d'Ulysse fut de fuir les sirènes et leur voix de sorcière. Non, leur voix ensorcelante. Seul, je puis les entendre, mais il faut que je demeure immobile. L'esprit a soi-même son alcool. Diverti en ses mathématiques, Pascal ne perçoit plus ses rages de dents. Archimède. Penché sur des figures dans le sable des plages de Syracuse, n'a pas senti qu'un soldat romain l'égorge. Machine aujourd'hui, car je sens un peu ma tête tourner. Et donc, de toute façon, je ne pourrai rien vous écrire de profond. Chère Geneviève, je vous écris sans faute. Mercredi, une véritable lettre. Écrite à la main. Pensée, sentie, etc. 16 heures d'après minuit où l'humanité dormante s'offre sans défense sous les fantômes. Parmi les bulletins d'information de la radio intérieure russe, il en est un qui fut d'une nature assez fantasmagorique pour être pris au sérieux par ceux que la politique ou la diplomatie intéressent. Je constatais que toutes les phrases étaient composées de peu de mots, régies par une seule et stricte loi, les trois syllabes. Joseph Vissarionovitch Staline devait, comme par une règle inédite en l'histoire du langage, occuper la moitié de chacun des ensembles de syllabes. La moitié. L'effet produit était terrifiant pour le cerveau. Je vis là le premier exemple d'une tentative pour subjuguer non plus seulement les peuples et les esprits, mais jusqu'aux lois élémentaires de la construction des phrases. J'avais affaire à une langue russe où chaque matin, pendant 15 minutes, ce qui me paraissait diaboliquement de l'éternité, tous les mots étaient abolis au profit de la triade supraverbale Joseph Vissarionovitch Staline. En cette occasion, je fus tenté d'admirer le grammairien Staline. Quelques instants de réflexion me firent percevoir qu'en cette circonstance, ce Staline n'avait pas du tout fait acte de grammairien, mais de sorcier. Les radios russes intérieures ressemblent aussi exactement qu'il est possible de l'imaginer au moulin à prière du Tibet. C'est un déchaînement scientifiquement calculé de forces mentales obsessionnelles. Un jeu de mots s'est institué. Ce sont les mêmes mots. La paix, la révolution, le capitalisme, etc. Le comportement du monde non russe et son parler tendent à devenir sur bien des points identiques à ceux du monde russe. Ce sont les mêmes mots. Quand l'un dit soi-disant volonté de paix, l'autre le dit aussi. Le jeu ne comprend qu'une règle. Tuez tous ceux qui ne prennent pas les mots dans le même sens que vous. L'illusion serait de s'imaginer que ces mots peuvent disparaître parce qu'ils ne correspondent plus à aucun contenu effectif. Au contraire, ils peuvent ainsi servir à n'importe quel usage. C'est pourtant la seule chose qui compte lorsque nous prononçons un mot. La part de sacrifice personnel qu'il représente en nous. D'où la faiblesse de toute propagande. Nul ne persuade, parce que nul ne se soucie des rapports qu'il convient d'établir entre le verbe et la souffrance. Oreille close. J'entends. Au-delà du déferlement des mots, la muette mise à mort du verbe. Sulle sorti della pace, della comprensione e della collaborazione unilaterale. Avete ascoltato la rubrica Economia senza... Car sur la France et sur l'Europe, si récemment éclairée par la victoire alliée, une ombre est descendue. Un rideau de fer s'est posé sur le continent. Les semences des régimes totalitaires sont nourries par le dénuement et la misère pourvoyeuses du communisme. Ces semences croissent dans le sol aride de la pauvreté et du désordre. Voilà le fléau. Le processus qui mène au langage obsessionnel, c'est-à-dire en fin de compte à la suppression du sens des mots, à quelque chose de fascinant, d'ensorcelant. Il y a là comme la promesse d'une nouvelle façon d'être, laquelle, tel le vide, attire et fait chuter. Lorsque je quittais les écoutes de radio, je rencontrais quotidiennement des personnes de ma connaissance que je ne reconnaissais plus, car sitôt après les formules de salutation et de plaisir de se revoir, j'entendais tomber sur leurs lèvres telles les gouttes d'une trop grossière pluie, des paroles téléjetées. Il n'en est pas moins vrai que ce manque de tolérance. Et pour conclure, enfin... Je vous cite l'exemple date des cellules socialistes pour réaliser les leurs mérites. France, qui occupe le premier lieu en tabac capitaliste d'une Europe de Apus, France de Astes a les faces pâlides et revêchites. Et qui pèsent aux yeux. Colțurile gurii îi sunt zguduite de un rânjet neputincios și încremenit. Fruntea este răvășită de presentimentul pedepsei care se apropie. Școala crimei, a crimei prin orice mijloace, funcționează din plin, mai ales în biserici. În Italia... Moyen de concevoir qu'un ricanement figé puisse secouer le coin d'une bouche. L'extrême méfiance instinctive de tant de nos contemporains à l'égard des propos radiophoniques, méfiance qui va parfois jusqu'à de la répulsion pour l'appareil récepteur lui-même, apparaît bien comme une réaction de défense. Beaucoup d'hommes perçoivent déjà plus ou moins nettement que le nouvel appareil originellement destiné à dire quelque chose diffuse des bavardages où il n'y a que silence. Cette impression devient infiniment plus forte pour l'auditeur, écoutant en une trentaine de langues différentes. Jour et nuit, l'appareil jette contre le cerveau un gigantesque chaos de nouvelles. Votre état est d'entendre tous les jours rien. Et rien très fortement fatigant. Pourtant, vous avez l'air bien portant. Le diable m'amuse. Ces Freuden me réjouissent. Et vous tenez une comptabilité de ces sottises. Cependant... Cependant, votre condition reste d'écouter rien. L'outre écoute de rien me fait entendre tout. L'outre écoute de rien me fait entendre tout. Vous entendez ce que personne n'entend. N'entend. J'entends ce que tous entendent. Exception faite pour les quelques révoltés au pouvoir. Lesquels font pleuvoir sur l'entier monde, sans jamais une seule seconde de répit, la monotone ondée du fou langage. Vous vous mettez contre les sorciers et les envoûteurs de toute espèce. Vous ne craignez rien? Non, je ris. Mais vous, votre écoute à vous, au-delà des écoutes, et même des autres écoutes, quelle est-elle? Un beau feu de bois flambant, avec son histoire intérieure. De cap et d'épée, et ses cheveux, où je vois ceux de la femme que j'aime aimer. Je ne veux pas de l'apparence que l'imagination me donne. Il lui manque l'épreuve, et la nuit, et les mille aventures dans les ténèbres. Et les mille aventures dans les ténèbres. Qui Colonia, il programma italiano della Deutsche appunto è terminato. Le trasmissioni riprenderanno domani alle ore 23. Buonanotte e a domani. Encore quelques instants, et cette fois, le gel du sommeil tentera d'imposer à mes bras refuseurs ses bras glacés. Puis, mon complice frissonnant, me provoqueront les songes. Dessous, tout était fort pour se renverser, se torturer, se détruire à force de rage. Chien tiède, chien touchant, toi qui flaires l'amour à la tête du vent, conduis vers moi la mer à travers l'ouragan, et qu'il ne sache pas qu'elle est morte. L'enfer, soufflez vent. Où m'entraînez-vous, vous tous? Je veux revoir ma ferme. Est-ce vers Paris que vous me portez au vent? Grâce, grâce, c'est une ville où les gens venus de nos pauvres origines périssent. Hurlez vent, hurlez donc. Si vous êtes si fort, ne pourriez-vous me dire comment revenir à ma ferme, à mon doux lieu de paix? Tempête ridicule que je dompte, Jamais ne me ferai cesser, moi la mère, moi la ménagère de Kerlévénez. C'est moi qui vous battrai, tempête, moi qui sais aimer patiemment. Yann, Yann que je dis, voilà, réchauffe-toi et dors un peu cette nuit. Oui, mère, mais il faut que je travaille. Comprends-moi, ô mère tant chérie. Tu m'as l'air très fatigué, ô mon fils. Que fais-tu donc si tôt ? Qu'est-ce que ce livre ? Père, je n'ai pas pris le parti des riches, je n'ai pris que le parti de l'homme. Tu ferais mieux de penser à la terre. Père, ce que je fais, c'est aussi la terre. Je veux travailler, plus mort que vif, dans mon coin. Père, tant soucieux de tout, ne me reproche pas de m'être caché. Je me suis dressé avant l'aube afin de changer le monde. Toujours avec ces sacrés livres. Tout de même, ils sont beaux. Et quand il a le dos tourné, je jette un regard dessus. J'ai essayé de former moi aussi des lettres qui le rendent si maigre, si heureux et si inquiet à la fois. J'ai même écrit quelques noms que je voyais en tête du livre. Bois pas si vite ton café, mon fils. Il ne te fera pas de bien. Ah, mon pauvre fils. Oh, que je pense à lui. Je parie qu'il a encore été fou aujourd'hui. Je voudrais du bon café pour lui. Chambre. Croyait qu'il fallait un homme pour la réveiller. Chaque soir, elle faisait un prisonnier. Le lit est jusqu'à l'aube. Il faut, Geneviève, que je détourne du parti et de ce que j'ai vu en Russie. Et puis aussi des flics de tout pays. Mon âme et toute ma pensée. Ma guérison est à ce prix. En remettant en marche les machines à parole, il connaissait ce genre de malaise que, dit-on, éprouvent les psychiatres devant leurs malades. Besoin me vint d'écouter tous les jours les radios soviétiques. Par les insolences des bourreaux, du moins restais-je lié, traversant les paroles et comme les entendant sur leur autre versant, aux cris des torturés. Donc, le leitmotiv, la formule clé de ces émissions est le puissant mouvement du peuple français pour exiger la libération de Jacques Duclos se renforce de jour en jour, ou même d'heure en heure. Avec l'emploi constant de cette formule, nous sommes reliés à l'une des plus stagnantes routines de la propagande communiste. Les formules genre « le puissant mouvement des partisans de la paix se renforce de jour en jour » ou encore « l'intérêt des capitalistes, banquiers et économistes pour la conférence économique de Moscou s'accroît de jour en jour » ou encore « depuis des années, la résistance du peuple espagnol contre le régime franquiste se renforce de jour en jour » Ces formules nous sont très familières. Elle représente un indice d'un échec, le masque du langage, de la propagande, est ici facile à soulever. Et nous n'insistons pas. Дорогие радиослушатели, мы теперь предлагаем вашему вниманию нашу передачу «Беседы о литературе и о советском искусстве». Империалисты применяют сегодня всевозможные усилия, Actuellement, soit en russe, soit en anglais, espagnol, allemand, etc., on peut entendre les radios de Moscou célébrer quotidiennement l'exceptionnelle liberté dont jouissent les écrivains, musiciens, artistes de l'Union soviétique, ou développer des parallèles entre les conditions de vie paradisiaques en URSS et l'esclavage, l'atroce misère qui sont le lot des infortunés citoyens des États-Unis. Ceux qui rédigent des hymnes à l'exceptionnelle liberté de la création artistique en URSS ne croient pas un mot de ce qu'ils disent. Peu d'auditeurs à l'intérieur de la Russie risquent de s'y laisser prendre. La notion d'information est tellement étrangère aux radios communistes qu'il en devient même inexact de dire, comme on le fait fréquemment, que ces radios mentent. On a le sentiment que bien des propos diffusés par les radios russes intérieures sont très exactement choisis dans la mesure où l'on sait qu'ils ne seront pas crus. Qui ne voit là que nous sommes sur un plan très supérieur à celui de la duperie ? Celui qui ment a besoin d'être cru. Celui qui ment désire être cru. C'est-à-dire qu'il respecte chez les autres le sens de la vérité. Et même souvent, il le flatte. Mais une entreprise géante qui a pour essence la volonté de choisir systématiquement des propos dans la mesure exacte où on est sûr qu'ils ne seront pas crus dissout radicalement la faculté de compréhension du réel en faisant paraître celle-ci moquable et inutile à l'infini. Moquable et inutile à l'infini, inutile à l'infini. Il est difficile de concevoir un meilleur moyen de faire sentir aux hommes que leur conscience n'a aucune raison d'être, aucune raison d'être, qu'elle n'est plus qu'un vestige grotesque, vestige grotesque. Les propagandes diffusées par les radios chargées à l'extrême de volonté de puissance sont justement celles qui échappent le plus ironiquement aux propagandistes. Elles s'acquièrent une constance, une substance telle qu'il est bientôt de toute évidence inutile qu'intervienne un cerveau humain pour les maintenir. On assiste à une annulation des maîtres les plus superbes par leurs paroles. Le dictateur est chassé de son langage. Il se dilue, lui aussi, en l'entité verbale qui lui a tout pris et qui ne lui rend rien. La parole stalinienne n'a plus besoin de Staline. Центральный комитет партии предостерегает также против угрозы, нависшей над артистическим творчеством. le tam-tam de l'incohérence mentale résonne jusque dans le plus reculé village. Les politburos, ces rassemblements de fakirs se sont évadés du Kremlin. Ils sont partout, le sable et le vent, qui tiennent lieu d'esprit en une humanité de non-humanité. Le tout petit carré de terre ferme, absolument interdit aux opérations spiritualistes négatives. Devient de jour en jour, apparemment, plus petit lopin coincé. Si petit qu'il devienne, il sera toujours champ suffisant pour les labours de l'esprit. Ces temps resteront ceux où, pour la première fois sans doute avec cette force dans l'histoire de l'humanité, aura résonné la parole de l'avenir. Le pouvoir est maudit. Il dit, presque trop bas pour qu'un ange puisse écouter, « Laissez-moi, il faut que je reste encore à travailler tard dans la nuit, avec courage, avec joie, avec désespoir. » Je connais dans toute leur plénitude toutes les blanches extases de la fatigue. Drogue à faire oublier temps et espace. Fatigue d'outre la fatigue. Toi, par qui près de nous une surnature partout scintille. Fatigue d'outre la fatigue. Oh, toi qui me dors sans que je dorme. Oh, toi, mon ami, ma confidente, mon épouse. Merci. Et oh, jamais, jamais ne me quitte. Ces cris parviennent à leur point le plus frêle. Alors, sur la pointe la plus tremblante du monde, je dors un instant. Je prends pour oreiller ce qu'il y a de plus flottant au monde. Et ma vie... J'ai commencé par le breton. Brume exquise où l'âme se mire d'une brume à l'autre et n'arrive jamais à se dévoiler. Grand effort dans la brume. Trompant le sort, à 10 ans, j'appris à lire. Nos maîtres, l'épaule oblique, dirent « Celui-là, pourquoi ne reste-t-il pas à sa place ?» Je me souviendrai toujours d'avoir appris le français. Je lus d'abord Pascal, ensuite j'appris que le français était aussi une langue parlée, que je devais me la mettre dans la bouche. Puis je vécus avec la seule Méditerranée, le latin. Le latin me séparait de l'imprudence. Ô promontoire sur la mer, Ulysse fatigué n'abandonne pas. Bienheureuses les langues dites mortes, elles animent dans la vie je ne sais quel élément séparé. Jamais tout à fait morte, jamais tout à fait vivante. Ruine que n'atteint jamais nulle misère. Toutes les langues ne pouvaient me séparer des mots strictement établis. Ce qui nous manque est là. Elle est, cette langue chinoise, plutôt une image de l'existence qu'un moyen de s'exprimer. Malgré tous les cris en toutes les langues, je n'avais pour mes songes que des mots monotonement fixes, incapables d'ajouter un danger aux imprudences de mon esprit. La main qu'une langue nouvelle posait sur ma tête ne différait que par quelques minimes replis de la main que déjà je connaissais. Le chinois, soudain, m'assura ce qui me manquait. J'ai longuement cherché un règne où plus aucune aide ne put me parvenir. En chinois, plus aucun secours. Les mots sont seuls, dénudés, sans ombrage, pure figure de la pensée. Les signes indiquent tout, n'expliquent rien. Cette langue n'est pas encore parvenue jusqu'à l'homme. Elle exige de lui soit une extrême raison, soit ce surcroît de folie grâce auquel il y a encore des songes, des larmes et des efforts sans objet. D'autres eurent les alcools, les drogues. Je n'eus pour opium que le chinois et la fatigue. Dans ma voix, le sable faisait des syllabes et j'eus un bruit de gorge qui trouve enfin de l'eau. Un âpre râle poussiéreux haleta dans mes mots. Je pris le rythme de lune dont brille le Coran pour glisser loin de moi, de dune en dune. Rythme sans pitié, rauque et dur, retourné contre soi par le vent. Le manque de voyelles est comme dans le nez foudre le manque de repères. Cheminant d'air en air, je me fis tous les grands poètes de tous les pays, de toutes les langues. J'atteignis un Éden d'avant la tour de Babel. Je me perçus général et universel. Je fus heureux. Tous les grands poètes de tous les pays, de toutes les langues, eux, moi, sommes un. Je ne suis pas face à eux. Ils ne sont pas face à moi. Ils parlent avant moi dans ma gorge. J'assiège leur gorge de mes mots à venir. Quand pour comprendre un mot de plus d'un frère éloigné, j'aurais donné mes aurores, mon sommeil, mes songes pendant 10 années, je devrais m'expliquer avec les étoiles, m'en aller tout petit sous la grande clarté de la nuit, très âgé. Oh, fatigante science. Je veux être avec les signes du monde entier. Je veux être avec les hommes partout dans le monde entier. Signes des hommes, voici pour vous mes nuits. Langue, sois moi toutes les langues. 50 langues, monde d'une voix. Je connais tes songes à mesure qu'ils se forment. Tous les éléments se versent l'un dans l'autre. Énorme désordre sphérique. L'âme répète sa voix très bas, sans causer d'émoi. Pour le monde manquant de voix. Les machines longent l'homme. Elles glissent séduisantes près de sa vie. L'homme et les machines grandissent côte à côte. Elles veulent, avec leur bruit de ruisseau très hâtif, devenir sa vie. Cette année encore, on ne peut vous accorder de vacances. On a besoin que vous restiez là, gisant, sous les émissions radiophoniques en langues étrangères. Mes vacances permanentes, faites de l'anéantissement de tout élément personnel, ont continué à s'étendre en algues, intemporellement souples et solides, sous les illimités bruits d'ensemble de la mer. Le bip, bip, bip a été retransmis par diverses stations radiophoniques, y compris les émetteurs de Free Europe. Das berühmte bip, bip des Sputniks, das die Engländer blip, blip und die Spanier tick, tick nennen, ist eine Modulation, mit der die Russen den Weltraum erkunden. Der Satellit Mondbaby, auch Sputnik genannt, ist... La voix de l'Allemagne, pour illustrer d'un fond sonore un exposé d'un professeur, s'en est même servi comme accompagnement tout le long du texte. Un des résultats de cette... Attention, braqué sur le Sputnik. Et que, plus que jamais, l'affaire d'Algérie et la crise gouvernementale française ont été négligées, voire oubliées. Если изо дня в день анализировать информацию из капиталистических стран, становится ясным, что успех советского спутника доказывает абсолютное превосходство социалистической системы над капиталистической. Бип-бип советского... Dans tous les services de Moscou pour l'étranger, on diffuse une masse d'informations sur le Spoutnik. Informations toutes de source occidentale. Cela donne des textes de la tournure suivante. Selon la radio de... On a vu le Spoutnik. Selon la radio de... On aurait vu... Спутник. Благодаря спутнику, называемому спутником, весь мир осознает, что СССР является родиной для... Aurait vu... Au bout d'une semaine d'écoute de ces textes, on se sent pris d'un doute, d'un malaise aussi. Car enfin, les Russes ne se comporteraient pas autrement, en fin de compte, s'ils le voulaient. S'ils le voulaient par une... arrière-pensée subtile, établir un tableau de la crédulité de l'Occident. Cela fait un tableau de ce que nous pourrions appeler l'occupation psychologique de la presse et des radios occidentales par une invention soviétique. En russe, Spoutnik signifie... compagnon de route. This is the question raised by Sputnik. The satellite era implies setting up a new coordination scheme for the free world defense forces, particularly NATO's. the famous beep beep sent out by the Russian baby moon. Les radios nord-américaines sont en ce moment les seules radios occidentales à continuer à parler abondamment des Spoutnik, des succès de la science soviétique, etc. Tout le contexte radiophonique montre qu'il s'agit là de jouer le jeu, c'est-à-dire de se servir du mythe des grands succès russes, pour donner un appui aux dernières déclarations d'Eisenhower en vue de renforcer l'armement des États-Unis et de l'Europe occidentale. Il est à prévoir que dans les prochains jours, les radios nord-américaines seront les seules à maintenir les rocambolesques histoires de bip bip bip. Elles y ont tout intérêt. L'Algérie. La BBC dit que De Gaulle, retour de De Gaulle, inévitable. Retour de Stockholm, hein, contre l'extrême droite, contre l'extrême gauche. De Gaulle, inévitable. Une petite date dans l'histoire radiophonique mondiale. Hein, Moscou diffuse un air de jazz, typiquement américain, ça le direct deux minutes. C'est la première fois. Une petite date dans l'histoire radiophonique mondiale. Divers fragments d'émissions radiophoniques, plus qu'un Mao Tse-tung, en gros, titre de président, on entend président par-ci, président Mao par-là, président par-ci, président par-là. Madrid en Espagne, en Allemagne, le sport. Ah oui, le sport est un facteur supérieur d'élimination de la politique. Service dans le Vatican, langue polonaise, enseigné ici, l'implacable brouillage dont est l'objet du service de la radio en Vatican de langue polonaise, enseigné ici. Moscou en russe, Khrouchtchev, maladresse commise par Khrouchtchev, début d'un effacement, c'est un document. Eisenhower, à Londres, qu'il faut le remplacer la région de Courtenay, qu'il faut partir de remplacement par Nixon, afin de sauvegarder l'ordre. Il fut ivre d'aube toutes les nuits pendant 50 années. Le temps ne va plus nulle part. Les faits apparents sont innombrables et leur pression s'alourdit sur les cœurs. Surtout que le silence des étoiles diligentes qui butinent descendent sous tes propres voûtes. Entre l'amour qui ne peut venir et la mort qui va venir. C'est vers les 4 heures de la nuit que je vaque le plus exquisément. Mon corps, je l'ai précipité depuis longtemps dans un Niagara d'anéantissement, et sa mort me vivifie. Je ne vivais que visité par toute criaillerie, que visé par tout pays piaillant. Toutes les machines à dompter les mots vinrent loger chez moi, déchaînant les paroles, les pétrifiant, les superposant. Non grammaire, non syntaxe, non langue, m'étaient sans fin dispensés en tout langage par ces engins qui, plus que moi, vivaient chez moi. Et j'entendais toujours, à des mois et à des années d'intervalle, les mêmes déferlements d'immenses nappes verbales, sans jamais aucun espoir de rencontrer une parole évadée, sauvée. prostré sous l'appareil où toutes les langues me deviennent en ces moments non-langues. J'assiste en un règne d'outre-écoute à une guerre, dépassant nos guerres à nous, pour moquer nos guerres, guerres gloutonnes de nos guerres, en foule, se proclamant puissant chef de peuple, se presse des marmots braillards et bafouillants batailleurs et balafrés. The two men met today to discuss contemporary foreign policy issues that the United States will have to confront in the coming years. President Eisenhower explained to President-elect John Fitzgerald Kennedy that he was particularly concerned about the situation in Southeast Asia, especially with the problems in Laos and Vietnam, which are the crux of the matter. President Eisenhower even suggested that it might be necessary to consider sending American combat units there if political aid proves insufficient. Bearing in mind that the possibility of increasing the number of American military advisors in South Vietnam... ...no cambia nada la naturaleza del imperialismo americano. Actualmente, los imperialistas preparan una agresión armada contra nuestra joven patria socialista de Cuba. Au-delà des paroles, j'entends des cris de carnassiers mentaux en quête de pâture. Maintenant, je leur nomme leur mal. Ils ont oublié que la parole sert à dire le vrai. Sont fiers de répondre par des mensonges à d'autres mensonges. Ils sont tactiques. Ils sont stratégiques. Explique-t-il dans leur jargon, ce qui signifie qu'ils ne parlent que par antiparole. Seule une pureté de qualité métaphysique, inconnue des codes, des lois, des usages, les décourage définitivement, les dégoûte, leur fait perdre leur appétit. J'ai pitié de ces êtres tellement abîmés. Je les héberge en moi, à l'égard de tous les regards. J'écoute très patiemment leur délire. Loin de craindre ces désespérés, je les attire. Je tente de les soigner, de les exorciser. Je les attire. Je tente de les soigner. De les exorciser. اس موقع پر ملک کی مشہور ہستیوں نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا Pourquoi? Surtout pour qui? Radio italienne sur onde courte diffuse-t-elle en langue pakistanaise des propos que l'honnête homme d'Italie s'en voudrait d'écouter? À cette heure, pas un seul pauvre diable de pakistanais n'est libre pour écouter. À supposer qu'il possède un récepteur de radio. Et surtout, à supposer que, moins sensé que l'honnête homme d'Italie, il veuille bien écouter. Cependant, il conviendrait de prévoir le cas d'un Pakistanais. Cependant, il conviendrait de prévoir le cas d'un Pakistanais. D'un seul, d'un exceptionnel Pakistanais. Perverti au point de considérer que l'Italie est haïssable. Et donc, faisant l'impossible pour arracher à ses conditions de vie naturelle les minutes indispensables pour se mettre malignement à l'écoute du sous-langage de l'ennemi. Cet insensé pakistanais me semble normal, selon les règles de l'actuel monde à l'envers. Au lieu de penser que tous ses ennemis sont en lui, et seulement en lui, il les rêve en dehors de lui-même. Il relaye le mal. Car s'imaginant le recevoir de l'extérieur, il le renvoie. Il le propage. Un peu plus loin. Des épandaisons de mots absurdes en pakistanais, alors que pas un pakistanais ne les écoutera, représentent ce qui est le plus proche du rien absolu. Mais qu'un seul homme au monde, pakistanais pas prévu, les entende et se mette à concevoir du penser à partir du néant qu'elles étaient promptes à vouloir être. Et les voilà subitement affligées d'être. Ah, vous êtes peut-être le seul pakistanais au monde à écouter des émissions italiennes en pakistanais chaque après-midi que le diable fait. Je l'espère pour les véritables pakistanais. Il ne peut être inutile d'étudier les bas-fonds du langage. Il est toujours salutaire de décrire correctement les enfers. D'attendre de la nuit, sauf une nuit plus noire. Le mal vient jusqu'à celui qui nomme les choses mauvaises. Mon père, je vois bien que je me suis trompé. En voulant devenir un poète, un lettré, je n'ai réussi qu'à me fatiguer. Et qu'à tournicoter, tout brouillé. Je suis allé plus loin qu'à nous, il n'est permis. Aujourd'hui, si tu venais, tu me retrouverais. Comme cette faux que tu as laissée hier soir dans des herbes obscures. Et se souvient très frais d'avoir sous tes doigts travaillé. Avant que ma voix ne devienne isolée, j'eus mon pays près de moi. Celui qui sourd au monde s'enivre de connaissances. Il retrouve, lorsqu'il met sa tête dans les fougères, la source des livres. Nous venons de nous mouvoir par bond d'image. Depuis quelques cent ans, quel autre moyen de suivre l'homme ? Mon petit moineau. Il vaut beaucoup mieux ne pas nous revoir. D'ailleurs, il se peut que je ne sois plus en vie à cette date. Thank you. Il n'y a plus guère d'intérêt à continuer à analyser les propagandes qui sont assez connues dans l'ensemble. Les décervelés ont besoin de leur folie, les damnés de leur damnation. Il est possible l'écoute des émissions radiophoniques conduit à la pensée qu'une bonne partie de l'humanité actuelle ne désire plus du tout de vraies paroles, qu'elle aspire à être entourée quotidiennement des bruissements des oiseaux de proie psychiques. Il se peut qu'elle ait de tout son pouvoir la mise à mort du verbe. Il contemple, avec une inquiétude inerte, cette étendue où pèse sur lui quelque chose qu'il ne sait pas nommer, et nul ne peut lui dire que c'est la solitude. Ah oui, il y en a dans le pays deux ou trois pleins de science qui vous expliquent que ceci s'appelle solitude, ceci s'appelle souffrance. Souvent, il les voit venir vers lui tenant toute la place. Ils se demandent ce qu'ils peuvent bien savoir, ce qu'il leur a pris de nommer ainsi ce qu'il faut vivre et taire. Et sans leur faire jamais signe, ils se dérangent pour qu'ils passent. Aiguisés dans l'exigu, vagabonds casaniers, ils convoquent le monde devant leur chambre. Ils demandent que les vents, la mer, les nuits les plus profondes usent de ruse devant leur serrure. Mes beaux cris, arabes, russes, chinois, japonais, vous ne pourrez me sauver. Je convoquais chez moi la machine à voir. Elle vint, luisante et avenante. Jeunette encore. Elle se tenait modestement. Elle commit pourtant sans tarder quelques imprudences qui m'instruisirent. L'engin à image ne fait pour l'instant que plaire, mais si peu qu'on y réfléchisse, il est logiquement appelé à servir de redoutables opérations de domination mentale à distance. Il se passe déjà quelque chose d'étrange. Les boutons de commande permettent de rejeter à leur originel tohu-bohu de lignes et de points ces images que, d'autre part, par les mêmes boutons, compose si commodément. Ce visage, jeté de loin sous vos yeux, on le rend à volonté très proche ou très lointain, stable ou fluent, obscur ou lumineux, et même on peut le laisser aller à la dérive, changer en on ne sait quel tissu que les ondes entraînent en un frissonnement incessant. Démonstration vous est faite que le réel est décomposable et recomposable à volonté, qu'il n'existe pas en tant que tel et que donc le voir naturellement n'a aucune valeur. La machine à regarder peut servir à créer une inédite variété d'aveugles. Vos mots sont tous truqués. Vos vies sont toutes faussées. Les épouvantes dont on vous parle ne sont pas la vraie épouvante. On vous parle de quelques apparentes épouvantes pour vous faire oublier l'énorme épouvante. Ils viennent vous parler de quelques silences. C'est pour mieux vous cacher qu'il y a en ce moment tous les silences. Lorsque sur le lieu de son non-lieu ils arrivèrent, il avait fini de mourir. Et tous dirent, en lui, aucune âme à recueillir. Il avait demandé, disait-on, que plusieurs siècles après sa vie, il fût encore humilié. J'ai trouvé des images pour la mort. Une clairière d'images. Triste, belle, exaltante. Chaque nouvelle génération croit avoir inventé la vie et la mort, alors qu'elle ne crée que quelques images. Au micro, Jacqueline Baudrier. L'insurrection d'Alger terminée, le gouvernement en tire les leçons, non seulement pour l'immédiat, mais aussi pour l'avenir. Vous savez que l'un des chefs de la mutinerie, le général Challes, est depuis hier à la prison de la santé et qu'il s'est vu signifier le réquisitoire du procureur de la République, le rendant passible de la peine capitale. Dans la presse d'Europe occidentale et celle des États-Unis, c'est un flot d'hommages admiratifs au général de Gaulle. Son prestige et son autorité sortent renforcés de l'aventure, lit-on dans la Gazette de Lausanne, c'est mieux encore qu'un référendum. Même constatation dans le New York Daily Mirror, qui en tire sur le mode plaisant cette conclusion, après l'échec américain à Cuba, nous devrions demander à De Gaulle sa recette pour gagner. Les États-Unis, Pierre Moroni, des États-Unis nous arrivent des précisions assez sensationnelles. Des précisions que nous avons trouvées dans un rapport envoyé par les services secrets de M. Allen Dulles à Washington, qui ferait état de la mise au point d'un avion fantôme soviétique. La nouvelle est très extraordinaire. Cet avion fantôme soviétique serait mu par l'énergie nucléaire et capable de tenir l'air sans se poser pendant des mois. Volant à une vitesse supersonique à très haute altitude, on parle de 35 à 40 000 mètres, il échapperait ainsi au système de détection radar. Suite encore des informations internationales. Tandis que Fidel Castro interrogeait en personne des prisonniers devant les caméras de la télévision cubaine, il leur a annoncé d'ailleurs qu'aucun des prisonniers, sauf deux ou trois criminels, ne serait exécuté. Deux coups de feu ont claqué. Fidel Castro n'en a pas été troublé. C'était une arme qui était partie accidentellement, sans blesser personne. Et au Congo. Au Congo, a-t-on des nouvelles du président du Katanga, M. Tshombe, qui a été arrêté hier après-midi? Mais je vous arrête vous-même, M. Tshombe. Je n'ai pas arrêté. La chose est formellement démentie par le ministre congolais des Affaires étrangères. Alors M. Tshombe est en liberté? Mais pas davantage. Il est Dixit, le gouvernement central congolais, retenu par la volonté spontanée du peuple à l'aérodrome de Coquillaville. Et nous pouvons ajouter qu'il ne pourra pas en sortir par la force des pays. Aux États-Unis, Michel Enfro, les Américains envisagent toujours d'envoyer demain matin leur premier voyageur. C'est le capitaine de frégate Shepard qui demeure le candidat numéro 1 au voyage. Cependant, le numéro 2, le colonel Glenn, se prépare lui aussi, car la tension nerveuse de Shepard risque au dernier moment de provoquer son remplacement. L'heure H du jour S, S comme espace, reste fixée à 7h demain matin, si les conditions météorologiques sont favorables. Mais les prévisions pour l'instant annoncent encore pluie et bourrasque. En Angola, la situation est toujours inquiétante. De plus en plus. C'était Le Monde d'une Voix, Un Faust des ondes, un film de Jean-François Jung. Images de Philippe Welt, son stéréophonique Jean-Claude Brisson, Daniel Léonard, Jean-Baptiste Marizy. Assistant de réalisation, Jean Orliac. Avec dans le rôle de Yann devenu Faust, Marc Berman, Méphistophélès Didier Conti, la mère Marie-Émilie Joly, le père Christian Eliou, le Christ Alain Beaugile, la voix féminine Marie Feugère. Atelier de création radiophonique, Le monde d'une voix, un Faust des ondes. Dialogue avec Jean-François Jung, Georges Monti, Marc Berman, par René Farabet. Document archive INA. Jean-François Jung, le projet, c'était de rejoindre Robin par quelle voix ? Le projet, c'était de donner de la chair à du verbe, quoi. C'est-à-dire, le projet, c'était de prendre un écrivain et de se dire, cet écrivain a telle histoire. Est-ce qu'on raconte son histoire ? C'est-à-dire, est-ce qu'on raconte l'histoire de quelqu'un qui écoute sans arrêt la radio en langues étrangères, qui ouvre la porte de son palier et qui demande du sel à la voisine, parce qu'on aurait pu imaginer ce type de vie, ou se demandant avec qui elle avait vécu, et ceci et cela, et quel café il prenait vers 4 heures, est-ce que c'était dur, est-ce que les chaises étaient molles ou dures, etc. L'autre projet, c'était de se dire, Robin ne doit vivre que par le verbe. C'est une littérature, c'est un texte, il y a un corpus textuel, et de ça, maintenant, le verbe doit devenir chair. Donc il faut, avec ce verbe, raconter une histoire. C'est exactement l'histoire de Proust, quoi. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Alors, soit on dit cette phrase, et peut-être on peut commencer à faire un film là-dessus, soit quelqu'un qui se lève et comment marquer que longtemps il s'est couché de bonheur, on ne peut pas, quoi. C'est le problème que pose la littérature au cinéma. Donc je suis parti des mots et je me suis dit je vais raconter une histoire à partir des mots, uniquement des mots, et je vais mettre ces mots dans un ordre qui vont raconter une histoire. Et l'idée est venue petit à petit, premier, deuxième, puis d'un troisième projet, d'une abstraction, d'une parabole théâtrale, que j'ai sous-titré un Faust des ondes, pour donner cet aspect de division d'un texte en deux voix, deux personnages, oui, le Faust. La production du personnage de Méphisto. Et Méphisto, voilà. Vous avez utilisé les textes de Robin exclusivement. Oui, exclusivement les textes de Robin, qui sont, enfin, c'est un petit peu un collage, hein, pris dans divers ouvrages. Surtout la fausse parole pour ce qui sont les discours principalement politiques d'analyse radio. La fausse radio, parole, etc. Oui, c'est un recueil de... Alors la fausse parole, c'est ça qui... Enfin, c'est la sortie en 79, la ressortie par Georges Monti de la fausse parole qui m'a en fait donné l'envie de faire ce film. La fausse parole, édition Le Temps qu'il fait. C'était une œuvre qui était sortie dans les années 50 aux éditions de Minuit puis qui avait très vite disparu des librairies. Georges Monti l'a réédité en 79. Moi, j'ai lu ce texte et c'est comme ça que j'ai envie de remonter à Robin. Remonter à Robin, ça veut dire carrément aller fouiller un petit peu dans les caves de Gallimard et dans les invendus Gallimard. Poésie non traduite. Poésie non traduite, édition Gallimard, tome 1, 1953, tome 2, 1958. Son roman, Le Temps qu'il fait. Le Temps qu'il fait, 1942. Réédition annoncée en mai 86, collection L'Imaginaire. Ma vie sans moi, 1940. Le monde d'une voix, 1968. Édition Le Temps qu'il fait, Le cycle Séverin, 1981. L'homme sans nouvelles, 1981. Bon, ces poésies qui sont plus facilement éditées dans la collection Poètes d'aujourd'hui, etc. Les poèmes indésirables, 1979. Poèmes d'André Hadi, 1981. Quatre poètes russes, Mayakovsky, Essénine, Pasternak, Bloch... Édition Le Temps qu'il fait, 1985. Et puis les bulletins d'écoute, donc ça veut dire aussi rencontrer des amis, des gens qui ont connu Robin et qui avaient gardé des collections de bulletins d'écoute, etc. Donc moi je n'ai pas du tout différencié les styles. Quelquefois, un bulletin d'écoute est dit par le comédien comme étant un soliloque intérieur ou de la poésie, ou inversement, une phrase poétique prise dans ma vie sans moi s'intègre à un raisonnement. J'ai essayé de faire ce qui est dans Robin, c'est-à-dire que le raisonnement n'est jamais absent du style poétique, quoi. C'est un collage complet, y compris de quelques inédits, de lettres, etc. Voilà. Mais est-ce qu'il y a des traces biographiques tout de même dans ces textes ? Ben, c'est-à-dire ces textes, notamment les bulletins, les lettres, etc. On peut facilement, en rencontrant des amis de Robin, faire des recoupements sur les époques. Il y a des choses très précises sur l'époque, l'écoute, le général de Gaulle, enfin, etc. On peut arriver, à partir d'un grand nombre de lettres de Robin, à faire quand même une chronologie. Et notamment à la fin, on peut voir en même temps arriver le transistor, les années 60, et en même temps voir arriver pour lui-même l'inutilité du bulletin, quoi. C'est-à-dire une phrase que le personnage là, de Yann de Fosse dit à la fin du film, c'est-à-dire il n'y a plus guère d'intérêt à continuer à analyser les propagandes qui sont assez connues aujourd'hui dans l'ensemble, qui est une des phrases prémonitoires de la mort du personnage, et dans un des derniers bulletins d'écoute de Robin. À la fin, ces bulletins ne devenaient plus que des questions sur ses propres bulletins, c'est-à-dire à quoi ça sert, etc. Dans le drame célèbre de Goethe, Méphisto se présente ainsi. Je suis l'esprit qui nie tout. Or, en écoutant les conseils de Méphisto, l'infortuné docteur Faust va de malheur en malheur jusqu'à la damnation finale. Français, nous n'en ferons pas autant. Vive la République, vive la France. Pour moi, Robin, c'est un opéra des ondes, enfin, c'est une tragédie de l'écoute. L'écoute est liée à une émotion, à un danger dans le noir, quoi. Quelque chose qui vous parvient. Moi, je me rappelle mon grand-père qui écoutait De Gaulle, les discours de De Gaulle qui se finissaient par la Marseillaise, etc. C'était quelque chose de très grave. Et ça rappelle un petit peu le diable, Méphistophélès, dans l'opéra. À partir du moment où on commence à écouter son chant, on est déjà damné, quoi. Enfin, l'écoute elle-même est un péché. Et donc, Robin commence ses écoutes à peu près à quelle époque ? Il commence à la fin de la guerre. Dans le film, du moins, c'est ce que j'ai voulu indiquer. Non, il a commencé avant, puisqu'il est allé en URSS vers 1935-6, quelque chose comme ça, avec des sentiments communisants marqués. Et puis, il a été atterré sur place, par non seulement par les conditions de vie des gens, mais par l'usage très particulier qu'on faisait du langage. Pour lui, c'était un drame insurmontable. Et c'est à partir de cette époque-là qu'il a commencé à écouter systématiquement les radios de propagande et il a commencé à publier ses bulletins d'écoute, donc un petit peu avant-guerre. Империалисты применяют сегодня всевозможные усилия, чтобы оторвать творческую интеллигенцию от политического и социального единства советского общества. L'autre vous parle toujours dans le noir, quoi. C'est-à-dire celui qui vous parle et qu'on ne voit pas, etc. D'où dans le film les métaphores sur le diable, toujours de l'autre côté de la cloison, etc. Et donc l'écoute est une manière d'ausculter, un peu comme Fabre se penchait sur des insectes, un sujet absent. Mais il y a quelque chose de diabolique là-dedans. Et donc cette théâtralité, cette division du texte de Robin en deux, est beaucoup lié aussi à ces notions de, mais là il faudrait parler de l'image, à ces notions d'ombre, de mystère, d'expressionnisme, etc., de gens qui vous parlent dans l'ombre. Les deux aspects, quoi, bien sûr, étaient dans Robin. Moi, j'ai souvent fait dire au personnage de Méphisto des phrases qui correspondaient à celles où Robin se rendait compte quelquefois, avec un humour, une ironie extrême, de la vanité de son entreprise, quoi. Il arrive des fois à des raisonnements très développés, pour dire une chose comme, enfin là je résume, si je comprends bien, la parole de l'avenir c'est celle-là, le pouvoir est maudit. Bon, c'est-à-dire il est en train de dire au lecteur, arrivé au bout de ce conte, je suis en train un peu d'enfoncer une porte ouverte. Il est important que ce soit un personnage comme Méphisto, qui soit en même temps le clin d'œil au spectateur, dans le sens suivant, c'est-à-dire que le film n'est pas du tout conçu pour dire Armand Robin, regardez, était un précurseur politique de telle ou telle thèse, etc. Mais pour en donner au contraire, comment dire, le style poétique. C'est donc aussi par cette division que j'ai voulu marquer l'humour, quelquefois, en Méphisto, qu'il pouvait y avoir sur certains raisonnements sur les langues de bois qui sont aujourd'hui très connues, qu'il pouvait déjà y avoir chez Robin sur l'idée, ça je le dis, mais d'autres le diront après, et d'ailleurs, n'est-ce pas ça que l'on sait, quoi, vous voyez ? Quel est le projet réel, global de Robin, au fond ? La vérité, c'est que c'est pas un écrivain ordinaire, c'est-à-dire qu'il a jamais fait de l'objet littéraire, c'est-à-dire du texte écrit et publié, du livre, un projet en soi. C'est beaucoup plus que ça, une sorte d'exploration du langage. il incarne le langage universel. Alors quand on utilise le langage à des fins de propagande, quand on déforme à ce point le sens profond des mots, bon, ben, il se sent blessé profondément lui-même. Et alors, c'est comme s'il avait crié dans toute son œuvre, et depuis le départ, cette blessure. On peut pas dire que ce soit un projet, ça. C'est pas à proprement parler un projet d'écrivain. C'est beaucoup plus un comportement d'écrivain face à un état de fait qui est bouleversant et foncièrement insupportable. Si l'on devait dire qu'il y a un projet, moi je le rattacherais au projet encyclopédique, enfin. C'est cet acte militant, moi, qui m'a touché au début quand j'ai lu La fausse parole uniquement comme quelque chose de politique, de se dire l'ensemble des analyses que l'on va produire sur le monde, en les notant, en essayant de distinguer le mensonge, la vérité, en voyant qu'en fait c'est beaucoup plus compliqué que ça, etc. Tout ce projet d'écriture, de recensement, d'analyse, un jour va aboutir à le transformer, quoi. Il y a une idée militante là derrière, qui ensuite se transforme en vanité et un aspect non, ça ne sert à rien, puisque ceux qui ont fait ça et qui ont dit c'était un guide pour l'action ont retransformé le monde d'une manière qui peut par ailleurs être catastrophique. Et donc tout d'un coup, c'est vers quoi on glisse, c'est vers le style, quoi, c'est vers la poésie, c'est vers une espèce d'immolation de sa propre vie. Donc je dirais que l'immolation de Robin, avoir compris tout ça, avoir compris ça au-delà du mensonge de la vérité, et immoler cette vie en disant, en marquant la vanité même, il y a quelque chose de là-dedans, de donquichotesque, enfin, d'encyclopédique, quoi, au sens vraiment de la démarche des encyclopédistes. Mais c'est un encyclopédiste pas du tout qui range ses bulletins dans des... C'est un encyclopédiste qui en meurt. Il meurt de ça, il meurt d'analyser, il meurt de se mettre à l'écoute des choses, de les ausculter, il meurt de vouloir les soigner. C'est pas un trajet encyclopédique, justement, c'est pas un projet encyclopédique sain et objectif. C'est un projet encyclopédique suicidaire. C'est-à-dire, ayant recensé tout ça, je pourrais maintenant vous dire, vraiment, c'est une catastrophe et ça ne sert à rien. Et je crois vraiment que ce qui m'a touché chez Robin, c'était plus que les analyses politiques qu'on peut retrouver aujourd'hui chez Baudrillard, Zinoviev, etc. C'est que c'était une approche poétique totalement des langues totalitaires et une approche qui l'a fait souffrir lui physiquement, quoi. C'est vraiment quelqu'un qui est mort sous l'écoute comme d'autres pouvaient mourir là-bas en URSS, et il le dit d'ailleurs, il fait ce parallèle, mais c'est un parallèle évangélique, christique, mais qui n'est pas grossier, parce qu'on sait bien finalement que c'est de ça qu'il est mort. Bon, le film veut le montrer de manière beaucoup plus théâtrale en le faisant mourir sous le coup de grâce que lui porte Mephisto en lui apportant le dernier média du moment qui est la télévision, mais quand même d'une manière ou d'une autre, c'est bel et bien de ça qu'il est mort, quoi. Enfin. Sa mort réelle, il a disparu un soir. Nous allons vous donner l'heure exacte. 3h50. 20 secondes. On ne sait pas très bien dans quelles circonstances. Et puis, ses amis ont appris, sans doute plus d'une semaine après, qu'il était mort à l'infirmerie spéciale du dépôt, qui est l'infirmerie de la préfecture de police, où probablement il a été embarqué, soit qu'il ait été pris d'une crise de démence, soit qu'il était ivre et que la police l'ait conduit au dépôt. En tout cas, il est mort là. Bon, on peut supposer qu'il ait cessé de vivre de lui-même parce qu'il était au bout de son rouleau, ou qu'il soit mort sous les coups de la police. Tout est possible. Comme il était assez fantasque et qu'il téléphonait fréquemment au commissaire de son quartier pour lui dire « Monsieur, il y a des métiers qu'il ne faut pas faire », lui téléphonait chez lui la nuit. Bon, c'est possible. On peut tout imaginer, on peut rien affirmer à ce sujet, quoi. Mais ceci est une autre histoire. Bonsoir, mes chers auditeurs, bonsoir. 3h50. 30 secondes. 3h50. 40 secondes. Vous venez d'entendre l'horloge parlante de l'Observatoire de Paris, et qui vous a indiqué l'heure légale française, en avance d'une heure, nous vous le rappelons, sur l'heure GMT. Rendez-vous de Paris. Je vais vous raconter une histoire. Elle n'est pas drôle, au fond, vous allez quand même rire. Enfin, du moins, je l'espère, comme dans Molière. Nous avons parfois parlé entre nous d'un type entré il y a 2 ans à l'école et nommé... Vous vous souvenez qu'il est entré en 4e année, après avoir travaillé de 12 à 15 heures par jour, et sans sortir le dimanche. Il y a une justice, le pauvre type est devenu fou. Pour faire vrai, bien sûr, c'est dans la mesure c'est un artifice total, il faut faire très faux. Toute l'ambiance sonore du film est reconstituée. C'est-à-dire, il faut que le son est obsessionnel. Bon, ceux qui écoutaient Robin étaient obsessionnels, mais l'obsessionnel, on ne le retrouve pas dans les archives. Il fallait que le mot Joseph Vissarionovitch Staline, etc., revienne exactement dans les trous de parole, je dirais, du personnage. Pendant que le personnage de Yann ne faisait pas de commentaires de la radio, il fallait que ce soit les mots justes qui sortent, etc. Bon, toute l'ambiance du Spoutnik aussi, il fallait qu'il y ait des différences entre les accents américains, les vitesses. Il fallait que le personnage américain, le speaker qui annonce la guerre du Vietnam, parle texan, il parle plus vite que celui qui annonce le Spoutnik, etc. Il fallait que la voix qui correspond le plus à l'endroit, disons, le plus terrifiant sur le plan de l'écoute soviétique, soit une voix de basse, soit celle de Boris Godounov, etc. Donc toutes les radios ont été refaites, enregistrées, réécrites, enregistrées avec des comédiens et refiltrées, bien sûr, pour obtenir des grains, des granulations d'époque, etc. Pour créer un climat qui, effectivement, donne un climat réaliste, mais en fait qui est entièrement un climat obsessionnel. Et toute la bande-son, y compris les génériques, les ritournelles de Radio Moscou, etc., sont toutes construites sur un schéma obsessionnel. Et là, je voudrais peut-être ajouter quelque chose, c'est que face au discours obsessionnel, le discours obsessionnel du personnage et de la pratique de Robin, cette pratique est elle-même une litanie obsessionnelle, quoi. C'est un travail d'exorciste, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, sa parole doit faire face à la parole des bourreaux, non pas tant sur le plan de la qualité d'intelligence et d'analyse, elle doit lui faire face aussi sur le plan de la litanie, quoi, du contre-exorcisme. C'est le principe du contre-feu qu'on allume sous la montagne. C'est un peu ce que disait Nietzsche en disant que la poésie est liée à la prière. Et que ce qui est étonnant dans la fausse parole chez Robin, c'est que on prend ça pour une analyse politique et on s'aperçoit qu'il y a de grands passages qui sont uniquement poétiques et qui sont liés à la prière. Et il s'agit par moment de prier, quoi. Il dit « je voudrais tenter d'exorciser tout ça ». Il y a une phrase que l'auditeur qui n'a pas vu l'image, donc n'a pas entendu, donc je la donne parce qu'elle est importante, c'est « je me suis battu dans les nuits pour qu'il n'y ait pas de cri qui ne puisse s'écouter et se pardonner ». Il y a quand même une notion d'immolation par l'écoute qui est fondamentale. Ici Paris, Radiodiffusion française. Mesdames, messieurs, il y a 8 jours, sortant de Rome, où nous venions de parler de l'Europe entre Européens, je m'engageais sur l'antique voie Appienne. C'est dans le désert de la campagne romaine, entre de grands pins parasols, une étroite route, où émergent de temps à autre des groupes de larges pierres ont martelé les sandales des légionnaires et des centurions de Jules César. Moi, lorsque j'entends ce discours de Paul Reynaud sur la voix romaine, etc., à la fois je mesure totalement la sottise politique et la fausse métaphore poétique qu'il emploie, et à la fois je suis totalement fasciné par l'emploi de ces métaphores, par le grain de la voix. Et je crois que ce qui a fait que Robin a continué aussi d'écouter, c'est que la parole obsessionnelle elle-même attire et fait chuter, enfin, comme le dit Mephisto, quoi. Mais elle a une partie attirante. Quoi, comme quand on entend au début du film très loin la musicalité d'Hitler ou de... Il y a une méchanceté idéologique terrible et en même temps il y a une adresse théâtrale, une obsessionnalité qui attire et fait chuter, comme dit Mephisto. Voilà. Et voilà ce qu'il en reste. En regardant ces débris... La perfection est une dure conquête. À l'instant où on tient toute l'œuvre comme dans une pensée fulgurante, l'éclair est sans force. Il ne troue l'obscurité que pour une seconde isolée dans une nuit immense. Et ce sont ces ténèbres qu'ensuite seul un long labeur détruit. Évidemment, il fallait inventer totalement des images mentales. Quand on lit Robin, il est évident que seules des images chocs, des images qui sont peut-être aussi liées à l'univers d'images que l'on voit et dans la rue, et dans les livres, et dans la vie, partout, etc. Il fallait qu'il y ait un brassage, comme Robin recense de manière un peu encyclopédique les voix du monde entier, il fallait que l'image, elle aussi, passe par un certain nombre de références qui puissent aller, effectivement, de ce qui a été notre enfant, c'est-à-dire Tintin, le diable qui parle dans l'ombre, Rastapopoulos, la marque jaune, c'est-à-dire Staline qui émet ses ondes vertes venues de Sibérie, Fantomas qui s'appuie sur cette tour Eiffel qui pour moi a toujours été là d'où partaient les ondes du mal, etc. Donc il fallait passer par une série d'icônes qui soient pour les gens des icônes fortes, des icônes de rêve ou des icônes de cauchemar, etc. Des icônes de rêve qui des fois peuvent être d'ailleurs liées aux images publicitaires modernes, enfin les stèles perdues dans le sable, enfin les lunes que Mephisto lui propose pour monter à Paris qui s'allument, qui peuvent ressembler à la fameuse publicité de l'électricité de France, etc. Ou d'autres choses complètement différentes, comme le Christ qui peuvent plutôt faire penser au tableau de Bellini, ou au moment où le personnage est seul dans un coin, qui était plutôt pour nous la peinture de Hopper, etc. Il y a des tas de références, mais qui ne sont absolument pas indispensables, j'insiste là-dessus aux spectateurs, qui ont été pour nous des références de travail. C'est-à-dire quand on travaille sur quelque chose qui n'est pas une action, mais une fiction magique, un trajet mental, il faut que toutes les images soient mentales. Par exemple, il y a une phrase du personnage à la fin qui dit « Mes vacances n'ont cessé de, je paraphrase là, de s'étaler en algues intemporellement souples et solides sous les illimités bruits d'ensemble de la mer ». Quand j'ai lu cette phrase, j'ai compris ensuite qu'il s'agissait effectivement de cette possibilité, en tournant le bouton, de passer dans toutes les stations et d'avoir cette vague de... Et que pour lui, à la fin, au fond, on aurait pu ne pas s'arrêter à une station. On aurait pu éviter de s'arrêter, d'écouter et de se mettre à décoder, de se dire, encore une fois, c'est de la propagande, etc. On aurait pu passer. Et donc, effectivement, c'est ça, quoi. Ça s'étale en algues qui sont à la fois souples et solides, si on s'arrête sur ce bip-bip, comme un illimité bruit d'ensemble de la mer. Alors, l'idée de l'image, là, c'était que Mephisto le voit de très très haut, le voit le Yann, le Fosse de très très haut, derrière d'immenses écrans de station qui représentent les mots-clés Reykjavik, Sotins, Ilversum, Moscou, Kiev, etc. Et que des espèces de mouvements justement d'algues se passent, de lumière derrière ces écrans, et que lui-même soit comme le dernier des hommes, enfin dans une image très expressionniste, un personnage qui subit l'écoute mais qui lui-même enfermé comme dans un immense poste de radio. Alors il y a toute une série d'images comme ça dans le film pour ceux qui n'ont pas eu la chance de voir ces images, mais je crois qu'on ne peut pas les décrire, si ce n'est dire que ce qui a été le plus passionnant à faire dans ce film, c'était de prendre le verbe d'un écrivain pour ne pas raconter d'histoire, pour créer des images mentales, et pour finalement, avec des images mentales, raconter une histoire quand même, par le biais de ce personnage qui vieillit sur l'écoute et de ce diable qui le pousse de plus en plus à la damnation, quoi. C'est-à-dire, il y a quand même finalement un récit, il y a quand même finalement une durée, il y a quand même un début, il y a quand même une fin. Et en même temps, le film veut jouer toujours entre le théâtre et le cinéma. Je dis toujours, c'est une fiction magique, quoi. C'est-à-dire, les tours, certains tours doivent être permis. Pas tous les tours, bien sûr. Par exemple, le mur d'ombre sur lequel s'écrivent les quelques-unes des phrases du personnage ou à travers lequel on peut voir le chien blessé de la voix de son maître, etc., qui lui aussi a un clin d'œil à une icône du son du verbe blessé, c'est un tour de passe-passe mais qui était très limité, justement, à quelque chose de très théâtral, très classique, c'est-à-dire un tulle derrière lequel la lumière bascule et derrière lequel la réalité apparaît. Mais c'était pas du tout un trucage électronique style de l'école Jean-Christophe Ferti. C'était des trucages physiques. Beaucoup, beaucoup de trucages du film sont des trucages physiques où on bascule des lumières de notre côté, d'un mur, d'un tulle. On est resté dans les images à une utilisation de l'électronique vidéo qui était très théâtrale et très pastel, très feutré, l'allusion à la vieille photographie, les portraits des parents qui reviennent dans le ciel, c'est les petits médaillons flous des photographes de province qui prennent tout le mariage, etc. Bon. Il y a un déluge d'images dans le film qui normalement n'est pas fait pour terrasser le spectateur, mais qui est fait pour accompagner, donner une référence possible à la phrase poétique de Robin, sans l'illustrer. il était important que la chambre elle-même de l'écouteur de radio devait être une chambre théâtrale qui donne sur un palais théâtral avec une tour Eiffel qui soit visiblement une maquette, un artifice avec un ciel étoilé plus beau que d'ordinaire, etc. Quoi. Il fallait montrer l'enfermement par des séries de plans comme ça. Il était vraiment important de tout tourner en studio. C'est-à-dire, comme dirait Léonard de Vinci, enfin, pour peindre, il faut, au départ, il faut qu'il y ait les ténèbres. Donc, dans un studio, au départ, il y a les ténèbres. Donc, ça veut dire ensuite, on contrôle tout. On fabrique tout. On fabrique les décors, on fabrique les lumières. Et tout le film se passe la nuit. On ne voit jamais que peut-être une aube sur Paris. Et encore, c'est peut-être un crépuscule. Et c'est toujours vers ce paysage fermé de cette tour Eiffel avec ce ciel étoilé. C'est-à-dire que le film doit se donner effectivement comme une précipitation, comme un artifice. Quoi. La seule scène où le personnage sort, lorsqu'il quitte les écoutes de radio, il rencontre aussi des amis dans la rue qui lui paraissent proférer des paroles obsessionnelles, des paroles qu'il appelle « téléjetées ». Cette scène, on l'a volontairement tournée en studio avec un petit bus reconstitué de la RATP, etc. Pour que ça fasse encore bien, on ne peut pas en sortir, quoi. C'est-à-dire, même le seul plan d'extérieur du film, il est encore enfermé. Il n'y a que les plans du début, l'ouverture, Mephisto, le Vercors, etc. Mais là encore, c'est un théâtre construit dans la neige, c'est de la neige artificielle, c'est un calvaire breton refait, etc. C'est comme une crèche bretonne, c'est déjà l'enfermement du théâtre, quoi. L'écoute de radio, c'est une écoute solitaire. Alors, l'écoute de radio dans le film, c'est, je crois, la grande pratique solitaire, oui. Ça, moi, j'en ai l'impression. Je suis toujours touché par des photos que je vois qui ont toujours trait à l'époque Nasser, le canal de Suez, etc., où on voit des gens groupés autour des radios. Mais curieusement, quand on voit des gens groupés autour des radios, il n'y a que deux registres. C'est soit le registre politique strict, c'est-à-dire les discours de Nasser, Suez, etc., ou les grands discours de De Gaulle autour desquels les gens se groupaient, ou, comme disait Robin, la Russie, où les gens ont le devoir d'écouter dans telle ou telle cause et de se grouper autour des radios. Ou alors, le deuxième registre, c'est, je sais pas, l'écoute familiale peut-être, des premières musiques, des premiers effets où les gens se rassemblent pour écouter. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en dehors du registre des situations politiques des pays du tiers-monde où les familles se regroupent autour de la radio, ou alors des situations d'écoute de plaisir où les familles se regroupaient au début de la radio pour entendre les premiers sons venus de loin, moi, il me semble que l'écoute de radio est une écoute solitaire. Le monde ne sera sauvé par les hommes libres. Au cours du rapide voyage en Allemagne que je viens de faire, cette vérité si simple n'a cessé de veiller dans mon cœur, ainsi qu'une petite flamme secouée dans la nuit par le vent. Car la nuit est sur l'Allemagne. L'Allemagne est dans une profonde nuit. Cette nuit s'éclairera-t-elle? Oui, tomberons-nous à notre tour. Hélas, à mesure qu'hier au soir je m'éloignais de ces villes effondrées, la nuit pesant là-bas sur elle, me suivait dans ma course, surgissait tous les points de l'horizon, allait bientôt me recourir. Messieurs, j'ai vu le spectre de l'Europe. Voilà ce que j'ai vu. J'ai vu le spectre de l'ancienne chrétienté d'Europe. L'Allemagne était une espèce de chrétienté. La Prusse en a fait une nation armée. Hitler a fait de cette nation armée une masse irrésistible, un bloc d'airain. 5 octobre 43, la Gestapo, avenue Foch, Paris. Preuve un peu trop lourde de la dégénérescence humaine. Il m'est parvenu que de singuliers citoyens m'ont dénoncé à vous comme n'étant pas du tout au nombre de vos approbateurs. Je ne puis, messieurs, que confirmer ces propos et ces tristes écrits. Il est très exact que je vous désapprouve d'une désapprobation pour laquelle il n'est point de nom, dans aucune des langues. Vous êtes des tueurs, messieurs, et j'ajouterai même que vous êtes des tueurs ridicules. Vous n'êtes pas sans ignorer que je me suis spécialisé dans l'écoute des radios étrangères. J'apprends ainsi de précieux détails sur vos agissements. Mais me faudra-t-il perdre du temps à vous signaler les chambres à gaz motorisées que vous faites circuler dans les villes russes, ou les camps où, avec un art achevé, vous faites mourir des millions d'innocents en Pologne? Dans la psychologie de Robin, c'est précisément des trous d'air, c'est-à-dire que c'est ce moment-là où il s'ouvre, où il sort de sa chambre, où il sort de sa cellule en quelque sorte. C'est-à-dire que cette espèce de réalité du monde sous laquelle il est courbé par l'intermédiaire de la radio, et dont il souffre quotidiennement, il l'exprime dans ses bulletins qui sont quand même des documents très techniques, assez difficiles à lire, et pour un tout petit public naturellement. Or, ces lettres, quand il les écrit, sont à la fois des moments de rage et de colère où il se positionne très précisément par rapport au contexte, et en même temps, ce sont des documents qu'il va publier naturellement. Il en fait des tracts qu'il imprime sur sa Roneo et puis qu'il distribue tout autour de lui. C'est très souvent une façon de prendre publiquement position, même si ce n'est pas des articles tapageurs dans les journaux, naturellement à l'époque tous les journaux étaient acquis à la collaboration, c'est des positions ouvertes par rapport à son travail obscur de solitaire. Donc ces lettres indésirables semblent être une façon pour Robin de s'enfoncer encore un peu plus dans sa folie et de mettre au défi les gens qui voulaient l'excommunier d'aller encore plus loin. Si je vous écris directement, messieurs, c'est pour remédier au manque de talent de mes dénonciateurs, cette variété de l'espèce humaine. Je suis persuadé qu'elle ne m'a pas dénoncé à vous avec le savoir-faire qui s'impose dans cette profession. Je voudrais, par simple goût du fini, suppléer aux déficiences de ceux qui veulent ma mort. Je suis là, des menaces vagues, des dangers imprécis, des avertissements renouvelés, des inquiétudes non portées à l'extrême. Vous créez, messieurs, un monde tel qu'on ne sait plus s'il ne vaut pas mieux être immédiatement arrêté plutôt que de s'entendre dire chaque matin « Prends garde à tes regards, prends garde à tes pas, prends garde à tes doigts, à tes épaules, à tes orteils, car tout en toi est fort dangereux. » La somme de délectation que j'éprouve à vous dire directement « Tueur, vous êtes des tueurs » dépasse les délectations que vous aurez à me tuer. Je voudrais être menacé avec précision. Mon adresse actuelle, messieurs, est ignorée de presque tous. La voici. Venez. Je ne m'en irai pas. Je laisserai même la porte ouverte. Vous m'y trouverez sans fatigue, en ces heures très matinales où, Jeannot Lapin d'un nouveau genre, vous vous plairez à commencer vos inédits ébats. Messieurs, vous aurez été sans doute quelque peu surpris qu'en tête de cette lettre, je vous ai nommé « Preuve un peu trop lourde de la dégénérescence humaine ». Je dois donc perdre encore un peu de temps à vous préciser que cette appellation m'a été suggérée par la pesanteur bien connue de vos pas et le bruit également très connu de vos bottes. Vous ajouterai-je, messieurs, pour me tourner enfin vers cette Allemagne que vous prétendez représenter, que je ressens tous les jours une très grande pitié pour mon frère, le travailleur allemand, en uniforme. Vous avez assassiné, messieurs, mon frère, le travailleur allemand. Je ne refuse pas, ainsi que vous le voyez, d'être assassiné à côté de lui. ACR, Atelier de création radiophonique. Robin, Armand. Coproduction, Radio France, FR3 Rhône-Alpes-Auvergne, Institut national de l'audiovisuel, ministère de la Culture. Le monde d'une voix, un Faust des ondes. Film de Jean-François Jung. En deuxième partie, dialogue avec Jean-François Jung, Georges Monti, Marc Berman, par René Farabet. Document archive INA. Groupe de réalisation, Monique Burguière, Michel Créis, Jean-Claude Duval, Jean-François Néolier. Le monde d'une voix, un Faust des ondes. C'était une émission diffusée la première fois le 27 octobre 1985.